Allô? Salut Christophe, c'est Pascal, ça va? Oui, très bien. Ma sœur vient ce week-end à Marseille. Tu veux venir avec nous au restaurant vendredi soir? Oh non, désolé, vendredi soir je ne peux pas. Dommage. Tu es libre quand? Ben, samedi, je peux. Super! À quelle heure? On se retrouve à midi. Parfait. Et l'après-midi, je vais à une exposition photo. Vous voulez venir avec moi? Ah non, ce n'est pas possible. On va à l'île du Frioul,